En Corée, des succès sont obtenus tous les jours dans le rétablissement des régions sinistrées. À l'arrondissement de Gyeongwon, les militaires de l'armée populaire de Corée ont terminé en 4 jours les travaux de couverture des maisons d'habitation. Ils ont fini le plâtrage de l'intérieur et de l'extérieur de 125 maisons d'habitation et les travaux de réseau d'alimentation d'eau et de drainage. Les travailleurs de cet arrondissement et ceux d'une dizaine d'usines et d'entreprises de la province du Hamgyong du Nord accélèrent les travaux de construction des habitations de plusieurs centaines de foyers dans leur dernière étape. Les travaux de plancher en ciment et de plâtrage des bâtiments d'éducation et de la santé publique, notamment crèches et écoles maternelles, sont achevés avant terme et le câblage aussi s'effectue parallèlement. D'autre part, la direction de l'exploitation forestière de la province du Hamgyong du Nord a accompli le plan de production de bois.